de ce pays où tu es né. Cœur de légende, cette fière nation, tu ne la quitteras pour rien au monde. Présent ma mot, retaille mon pays. Pour toi ces trois mots sont ta raison de vivre. La Bretagne, ta patrie, mais c'est de ce qu'il est. L'autre du est ton drapeau. Méprisé par l'opinion publique, tu renies cette république. De ses traits, t'as voulu démarquer. Tu abordes tes couleurs avec fierté. Lève-toi, va reconquérir ta terre. Contre tes ennemis, bats-toi, fais-leur mordre la poussière. Mais c'est de ce qu'il est, la Bretagne, ta patrie. Mais c'est de ce qu'il est. L'autre du est ton drapeau. Des étendards claquent dans le vent pour t'assurer fidélité. Pour ton peuple et pour ton sang, fier de l'héritage de tes aînés. Ce combat, tu t'es engagé. Pas question de capituler. Même si tu dois y rester, jusqu'à bout, tu vas lutter. Skin Breton, lève-toi. Skin Breton, bats-toi. Skin Breton, lève-toi. Skin Breton, bats-toi.